Shadow Duang. Paul Duang. Mireille Duang. Botu de la Naye, ce qui t'a ouvert une Nanaye. A côté de cet équilibre, la Katia Bolivora Bisson. Virginie Duang. Et ce qui est Naye, la Monde la Lunaka. Et fait sa canaille, c'est mon amour de ma. Procora Nassimo. Je connais la ficelle. Virginie Oigeli, j'amour de ma maman. Yo tigata au fraca, veo fatigua. Appelé Nerumbungu, très fort. On a comme un copa saillot, la mona yo so. Natala comme on voulait les cristaux, Miguel Mubiso. Nato mi obligé, la balasse yo. C'est Calypso, son malamon pour la tala. Bamba, Rigo Makeng. Virginia Oingeli, Namote Manoka. Yo tiketa wopulaka, Beola Lipuna. Son Excellence, Diallo Dialungana. Oki Bapetina Yo. Namo Basa Yo, Namo Manyoso. Nasara Kamukuru Lelo Yiki, Nadike Namo Miso. Namo Miyo Cliché, Nambalase Yo. Sekari Susumba Namo Konata. L'homme à la voix a rendu des bruits. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Dr. Marai, chérie Nishae, Chona Menga, écoutez, Bengali, Potena Kaite, Valenina, Kovive, Isayama Sali Valate, Yangora, Monica, Kato Kavana, Poli, Noyama, Koma, Noyami, Zanga, Katape, Sola, Basi, Salae, Fogo, Sananga, Adje, Virginie. Ingénieur John Misitu, Oyoki. Virginie Nalukiyo, Epae de Furu, Namoni Yote, Nalangomi, Misegi. Nakatia Mikili, Natuni, Mikele, Soki, Famoni, Yobara, Isanai, Matua. Yopombani, Wafi, Nagare, Futuna, Telemiso. Yopombani, Wafi, Odiana, Vimedana.